professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, convié au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Comment un projet de conquête peut-il être aussi une façon de représenter l'Inde pour les Européens dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle ? Aujourd'hui, l'historien Sanjay Subramaniam nous entraîne sur la côte de Coromandel avec les ports de Madras et de Pondichéry à la suite des Français Charles-Joseph Debussy, qui a d'abord collaboré avec Joseph-François Duplex, et du colonel Antoine Paulier dans le cadre de son cours sur l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e-18e siècle. Ce ne sont pas les activités militaires qui vont retenir Sanjay Subramaniam dans le contexte de la rivalité avec les Anglais, mais la façon dont ces connaisseurs de l'Inde conçoivent les rapports entre l'Europe et cette partie de l'Asie. Ce qui l'intéresse, c'est comment ces hommes choisissent de valoriser ou pas certains aspects culturels indiens et comment ils peuvent pratiquer aussi un double langage, se situer à deux niveaux sur ce qu'on est et ce qu'on trouve en face. Ainsi, Charles-Joseph Debussy peut-il écrire au neveu de Madame Duplex en 1753 pour se prémunir contre le caractère fourbe de la nation avec laquelle il traite. Il faut un peu mettre à côté, je le cite, les usages européens pour se conformer à ceux du pays. Caressez les uns, menacez peu et faites beaucoup espérer à tout le monde. Si Antoine Paulier pratique lui aussi le double langage, jouant sur une identité moghole et européenne, Sanjay Subramaniam met aussi en valeur le grand collectionneur, celui des fameux albums Paulier, nous dit-il, passeur pour l'Europe entre les cultures persanes et hindoues. Enfin, l'historien polyglotte note l'usage distordu du mot indien « nabab » à la fin du XVIIIe siècle pour désigner les gouverneurs plus ou moins indépendants, ces figures de conquérants qui deviennent des sortes de princes européens en Inde. Sanjay Subramaniam, qui est titulaire de la chaire d'histoire globale de la première modernité au Collège de France, indique au magazine littéraire en 2016 qu'il préfère parler d'histoire connectée plutôt que d'histoire globale. Il a fallu des années, dit-il, pour que l'on s'aperçoive à quel point un eurocentrisme naïf s'exprimait dans le prestige des grandes découvertes de Colomb à Magellan. Comme si le reste de l'univers n'avait pas existé tant que l'Europe n'en avait pas pris la mesure. Je ne suis pas davantage multiculturaliste, car les cultures ne se juxtaposent pas. Il y a toujours un moment où elles interfèrent. Et je m'intéresse aux phénomènes qui connectent les histoires par-delà les cloisonnements intellectuels. Cela permet de ne pas s'enfermer dans le cadre national, avec ce que cela induit de particularités culturelles, religieuses, etc. Et c'est dans cet état d'esprit que nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Sanjay Subramaniam sur l'Europe et l'Inde dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le 6 juin 2016. Bon, donc on va résumer la discussion du XVIIIe siècle, là où on l'a laissé la semaine dernière. Et vous vous rappelez qu'on avait donc parler assez longuement de ce personnage curieux, assez extraordinaire. D'ailleurs, James Fraser, Fraser of Reeling, comme on l'appelle, qui a passé donc deux longs séjours en Inde, notamment à Bombay, et à Surat, et à Khambayat, à Cambay, et qui a su à la fois écrire des histoires de l'Inde, par exemple, The History of Nader Shah, qu'il a publié au début des années 1740, Et ainsi, il a contribué d'ailleurs à toute une série de publications portant sur Nader Shah de la part des Anglais, des Français, des Néerlandais, mais aussi même des Portugais ont publié des choses autour de ce personnage. Mais l'aspect peut-être plus intéressant de James Fraser, c'est son activité de collectionneur. Et d'ailleurs, cette activité de collectionneur est liée assez fortement avec l'apprentissage de l'Inde qu'il a eu. Et j'ai essayé de démontrer comment, en fait, il a appris un certain nombre de choses le biais d'une insertion dans des milieux savants et soufis de Surat et de Cambay, et donc comment il a constitué ce qui est peut-être la première collection importante des manuscrits persans portant sur l'Inde, indo-persans, en Angleterre en tout cas, c'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui dans la bibliothèque Bodleian d'Oxford. Mais il y a aussi, bien sûr, d'autres manuscrits qu'il a collectionnés, par exemple, portant sur les Parsis et le zoroastrianisme, et également un certain nombre de manuscrits en sanskrit. Mais aujourd'hui, en fait, je vais aborder donc un autre type de personnalité, tout d'abord, c'est-à-dire des gens qui, plus ou moins à la même époque, au moins le deuxième séjour en Inde de James Fraser, ont commencé tout un autre projet, un projet donc, du type que Fraser n'avait jamais en tête, un projet de conquête, et on verra en quoi ce projet de conquête n'est pas resté tout simplement un projet de conquête, mais qui est devenu aussi, en quelque sorte, une façon de représenter l'Inde, et presque un projet épistémologique, c'est-à-dire qui avait derrière cet aspect de conquête militaire, finalement aussi une façon de concevoir le rapport entre Européens et Indiens, et aussi de valoriser ou ne pas valoriser certains aspects de la culture indienne. Alors, nous sommes donc dans les années 1740. Donc, comme je vous ai dit, c'est pendant le deuxième séjour de Fraser, Fraser qui était plus ou moins ici, tandis que notre histoire, à nous, va commencer plutôt sur la côte de Coromandel, ou ce qu'on appelait donc le Carnatic, Et donc, on va tout d'abord aborder ce personnage assez curieux, assez extraordinaire, qui est Charles-Joseph de Bussy, devenu finalement marquis de Castelnau à la fin de sa vie, qui lui aussi a eu au moins deux séjours importants en Inde, au début et milieu de sa carrière. Puis, il est rentré en disgrâce et il a passé une époque un peu difficile, notamment à cause des difficultés qu'il a eues avec quelqu'un qui a été envoyé comme son supérieur en Inde, le comte de Lally Tollendal. Mais puis, c'est dans ce conflit avec le comte de Lally, c'est Bussy qui a triomphé. L'un a accusé l'autre d'être plus ou moins un mercenaire, et Bussy, par contre, a accusé Lally d'être un incompétent, et c'est Bussy qui a eu gain de cause, et finalement, Lally est mort sur l'échafaud. Il a été accusé d'avoir trahi les intérêts du roi de France. Et puis, à la fin de sa carrière, donc, Bussy va rentrer en Inde, encore dans les années 1780, pour un autre projet qui ne va jamais aboutir, de créer des alliances avec un certain nombre de royaumes en Inde. L'aspect de la carrière de Bussy qui m'intéresse, c'est plutôt les années 1750. Donc, on est chronologiquement plus ou moins dans la continuité de l'époque qu'on avait discuté la semaine dernière. Mais, comme je vous ai dit, on se déplace d'ici au sud de l'Inde. Mais dans le sud de l'Inde, à ce moment-là, bien sûr, il y a aussi ce mélange entre culture indo-persane, parce que autour des comptoirs français qui se trouvent ici, comme Pondichéry ou Karaikal, il y a des vestiges de l'Empire moghol. Il y a l'Empire moghol qui est allé jusque plus ou moins dans cette région-là à la fin du 17e, début du 18e siècle. Et il y a donc une série de petits royaumes dépendants de l'Empire moghol qui sont présents dans cette région. Mais il y a aussi, bien sûr, une culture non musulmane porté par une série de groupes avec lesquels les Anglais et les Français vont avoir des rapports. Alors, bien sûr, il faut, pour comprendre Bussy, faire un peu marche en arrière pour aborder, même si brièvement, cet autre personnage assez célèbre qui est Joseph-François Dupleix. qui est envoyé donc par la Compagnie des Indes et qui progressivement va monter ce premier projet pour faire la conquête de l'Inde du Sud. Et c'est un projet que n'a pas vraiment eu un effet dans les années 1730, même si on pensait un peu à ça. Mais ce qui déclenche un peu les ambitions à la fois des Français et des Anglais, c'est bien sûr la conquête de l'Inde du Nord par Nader Shah. Donc, une fois que les Français et les Anglais ont vu que le centre moghol était faible, ils ont commencé à penser que c'était en réalité possible de concevoir un projet de conquête. On connaît Dupleix assez bien parce qu'il a beaucoup écrit. Et il a aussi été impliqué dans un certain nombre de scandales. Et l'avantage pour l'historien des scandales, c'est que les scandales ont normalement tendance à produire un certain nombre de documents. Donc, à cause de ça, on connaît assez bien la carrière de Dupleix. On sait qu'il était mal vu par un certain nombre de personnes autour de lui et en France. Mais en fait, l'avantage qu'on a avec Dupleix, c'est qu'on a aussi, depuis au moins un siècle, les papiers de ce monsieur-là, qui était un marchand tamoul, tamoul et telugu plus ou moins, Anandarangapelle, qui était le courtier ou le en quelque sorte l'agent de Dupleix, qui a donc agi comme agent de Dupleix par rapport à un certain nombre de pouvoirs dans la région, et il a laissé donc un journal assez important qui a été tout d'abord traduit pas très bien en anglais, mais on a aussi maintenant une édition de texte en tamoul. Et à partir de ce témoignage, un témoignage qui est à la fois très proche de Dupleix, mais assez critique envers Dupleix, on voit émerger une autre image, une toute autre image de Dupleix, quelqu'un qui passe par toute une série de réseaux, qui est très dépendant des banquiers locaux, qui a énormément de rapports aussi avec des gens à partir de réseaux familiaux, parce que Dupleix s'est marié avec une femme indo-portugaise qui avait en partie une ascendance portugaise. Dupleix est donc le premier patron de Bussy. Quand Bussy arrive en Inde, et ça on le sait, par exemple ce texte publié au moment quand il y avait ces contentieux entre Bussy et le comte de Lally, et puis entre Bussy et la compagnie, donc on a produit de la part de Bussy toute une série de textes, et vous voyez ici un de ces textes, et comment en fait les choses sont présentées pour le marquis de Bussy, maréchal des camps et armée du roi, contre les syndics et directeurs de la compagnie des Indes. Vous voyez un peu la géographie de Bussy qui est en train de se faire déjà de son vivant. Le sieur de Bussy a servi pendant 23 années cette compagnie célèbre formée en 1664 par un grand ministre, notamment Colbert, pour donner au commerce de la nation un nouvel essor. Le nom français respecté chez des peuples barbares, l'alliance d'une compagnie de commerçants recherchée par des souverains, plus de 8 millions de rentes qu'il a su lui procurer, tels ont été les fruits heureux des travaux et des succès du sieur de Bussy. Donc vous voyez, il est présenté comme un grand conquérant, quelqu'un qui a réussi à faire un certain nombre de choses. Et voilà donc comment il présente sa propre vie, c'est-à-dire c'est un auteur anonyme, mais on voit derrière ça la main de Bussy lui-même. On dit qu'il est rentré au service du roi déjà en 1733 en qualité de lieutenant. Il a servi avec son père, mort tôt. Et puis, si on regarde ce texte-là, on voit comment il passe en Inde, dans l'océan Indien en tout cas. Mais le sieur de Bussy tendait à quelque chose de plus digne. Et donc, c'est l'occasion présentée par ce projet de conquête en Inde du Sud, des vestiges de l'Empire moghol. Donc, il est arrivé quand il y a ce début de conflit entre les Français et les Anglais, le siège de Madras, donc les Français qui étaient en train d'assiéger la ville de Madras. Et puis, bientôt, la guerre s'allume entre les princes maures et le plaisir de commander à partout des charmes dans les climats barbares. Vous voyez encore cette idée qu'on est chez des barbares, une idée très loin, par exemple, de l'attitude de Fraser, dans les climats barbares comme chez les peuples policiers. Et puis, donc, on raconte cette histoire assez compliquée, assez rocambolesque, de la succession dans l'État de Hyderabad, où il y a donc ces deux personnages, Muzaffar Jang et Nasser Jang, et comment finalement les Français ont pris la partie d'un et les Anglais de l'autre. Et voilà donc Bussy qui va rentrer avec Muzaffar Jang pour soutenir cette partie, et comme ça les Français vont essayer de devenir les éminences grises dans la région de Hyderabad. Dupleix donc reste à Pondichéry pour la plupart. Il n'est pas vraiment rentré à l'intérieur de l'Inde. Par contre, Bussy est quelqu'un, c'est un homme de terrain. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de rentrer et jouer à l'intérieur de l'Inde. Et c'est en fait sa particularité. Il va se vanter souvent de ça, qu'il connaît l'Inde comme personne ne le connaît. Et on verra en fait comment il aborde l'Inde. Donc je ne m'intéresse pas tellement par les activités de Bussy en tant que général, c'est un sujet classique qui a été traité maintes fois, mais plutôt ce qui m'intéresse, ce sont ses attitudes et sa façon de comprendre l'Inde. Et donc voilà déjà, Dupleix à Bussy en 1752. C'est le moment quand Bussy vient de commencer à jouer à l'intérieur de l'Inde. Donc voilà, Dupleix. L'Asiatique, une fois rempli d'une idée, agit sans la moindre prévoyance, mais aussi il se déconcerte avec plus de facilité et ne sait plus apporter le remède à ce que son peu d'étendue de génie ne lui a permis de prévoir. Vous connaissez mieux que moi toute cette canaille et vous avez vu quelles étaient leurs alarmes auprès de ces gueux de Marat. Qu'il sera beau, mon cher Bussy, quand les renforts vous auront joint, vous voir faire la loi à toutes ces races maudites de Dieu. Vous voyez qu'il y a un projet de conquête, mais derrière ce projet de conquête, il y a aussi un petit changement d'attitude. C'est-à-dire, on commence à regarder les gens qui sont de l'autre côté d'une façon assez différente. Et vous voyez un peu la façon de répondre de Bussy. Bussy, qui est d'ailleurs beaucoup plus subtil et qui s'est tranché d'une façon beaucoup plus fine en pensant des Indiens que Dupleix, qui ne parle même pas des Indiens. Il pense que même les Asiatiques, comme une somme, sont une catégorie stéréotypée sur laquelle il peut donc construire un discours. Vous voyez donc, Bussy, et ça c'est l'année d'après, fin 1753, le long commerce que j'ai eu avec les gens du pays m'a appris à les connaître. J'ai pu protester qu'il n'y a aucun fond à faire sur eux. La fourberie et la duplicité leur sont comme naturelles. On sera toujours la dupe des liaisons qu'on aura avec eux. J'ai cru remarquer encore quelques vestiges de probité et de bonne foi parmi les Marathes. Et s'il fallait opter, je me fierais un peu plus à eux qu'aux Mogols. Mais le plus sûr est de ne se fier ni aux uns ni aux autres et de ne se mêler aucunement de leurs affaires. Un peu curieux quand il est en train de faire la conquête de la région, non? Ces nations n'ont aucun frein. Elles sont toujours disposées à sacrifier à leurs intérêts les engagements les plus inviolables. Donc, vous voyez, il est dans la cour des Asadjahi à Hyderabad, en train de traiter avec ses princes. Il est avec les Marathas à Pune et à Aurangabad. Et autour de ces mouvements qui vont durer quelques années, il va continuer à discuter ces questions, mais finalement pour construire une vision qui est à la fois assez lucide et assez froide des choses. Alors, il avait en particulier quelques alliés, et en particulier, il y avait une personne assez importante dans ses affaires qui s'appelait Léon Maurassin, qui était le neveu de Madame Dupleix, mais qui était aussi quelqu'un qui était très important comme lieutenant de Bussy, en quelque sorte. Et voilà donc une lettre qu'il écrit à Maurassin. Et vous voyez qu'il a ces mots et ces concepts qui sont des concepts clés qui vont revenir sans cesse dans son discours. Dans une nation aussi fourbe que celle avec qui nous avons à traiter, ne mettre jamais que la droiture et la probité, je pense que c'est être dupe, et nous le serons infailliblement de cette race si nous ne nous conformons pas un peu à l'usage de ce pays. Je compte bien me faire un mérite auprès de Nabab et des morts d'avoir sauvé ces provinces et qu'on ait obligation aux Français de s'être opposés à l'invasion du Raja, ça veut dire les Marathas. Hein. Il faut que vous mettiez par vos intrigues Jafar Ali à deux doigts de sa perte, soufflez le feu de la discorde autant que vous le pourrez entre lui et Ramaraja, il est de notre intérêt que ces deux hommes ne s'entendent point. Je dirai à tous ceci comme Hannon, je ne trouve pas l'origine de cette citation, mais c'est Hannon le Carthaginois. Parmi ce peuple faux, à qui garder ma foi, c'est aux événements à disposer de moi. Et alors, donc, là, vous voyez encore cette idée. Les autres sont des fourbes. Alors, on a donc deux options dans ce monde entouré par des fourbes. Soit être fourbe soi-même, soit devenir dupe. Voilà les deux options. On n'a pas de troisième possibilité. Et voilà donc finalement cette autre petite lettre assez curieuse qu'il écrit à Maurassin. Cette lettre a servi contre Bussy quand on a fait procès. Ce n'est pas à monsieur le directeur commandant de la colonie française que je m'adresse, c'est avec monsieur Maurassin, ancien ami, avec qui je traite avec franchise et cordialité. Je le prie, sur l'une et l'autre qualité, de suivre exactement ce que je vais lui dire. Il verra aussi bien que moi que le bien de la chose me guide. Il faut un peu mettre à côté les usages européens pour se conformer à ceux du pays. Encore une fois, mon ami, suivez les usages du pays, caressez les uns, menacez peu et faites beaucoup espérer à tout le monde. Et finalement, dans cette lettre, il va continuer pour dire qu'il ne faut jamais dire à la compagnie le type de revenu qu'on a sous la main et il faut essentiellement partager l'argent entre les gens de la compagnie, par exemple lui-même et Maurassin. Et ça, c'est l'usage du pays. Donc, vous voyez qu'il a une conception, je veux dire, évidemment très, très machiavélique. Il y a toujours cette idée qu'il faut avoir au moins deux niveaux, peut-être même trois. Donc, il y a ce qu'on est en vérité, puis il y a ce qu'on trouve en face, et finalement, on est obligé à s'adapter à ça. Donc, vous voyez un petit article de Jean Deloge dans lequel il avait essayé de démontrer quels étaient les revenus qu'il disposait à ce moment-là et comment, en fait, entre Maurassin et Bussy, on avait joué sur ça. C'est le mémoire de Maurassin sur les revenus de la région côtière dont on parle. D'ailleurs, c'est un texte de Maurassin lui-même et dans cette lettre qui a été publiée dans un des textes contre Bussy, on va se dessiner les mêmes idées et d'ailleurs, il va utiliser le même type de langage. Il va expliquer que Bussy connaît mieux que personne la politique mort, il est celui qui est le mieux instruit sur le gouvernement mort. Et ici et là, on va voir une espèce de saupoudrage de cette idée qu'il y a donc la mauvaise foi, vous voyez, la fourberie et la mauvaise foi, hein, dont chacun fait sa principale. Donc, toujours cette idée, ce discours assez stéréotypé et assez essentialiste sur l'Inde. Et je vais juste vous citer ces deux dernières petites phrases. Voilà, ça c'est un texte mémoire instructive sur l'état politique des morts et des Français. C'est écrit par Bussier à Duplex. Tel est l'esprit de la nation mort, que chacun ne songe qu'à son avantage présent et personnel. Il sacrifie tout à cette idée, fidélité et reconnaissance. Hommes de la patrie et de la nation, tous ces noms si sacrés chez tous les peuples ne sont rien parmi les morts, au prix de l'intérêt particulier. Et voilà, il revient sur ce genre de choses dans un autre texte qu'il écrit à son ami Marion Dumersan, dans lequel il dit que, en réalité, il est totalement indifférent à tous ces honneurs qu'il reçoit en Inde, et combien je préférerais une promenade au Palais Royal ou aux Tuileries et un souper avec deux ou trois amis de votre caractère à la vaine pompe des grandeurs asiatiques dont je suis excédé. Mais il n'est pas si excédé qu'il rentre en France, il continue, et il va continuer donc à construire ce projet qui va durer tout à la fin des années 1750. Et là, c'est une autre lettre dans laquelle il explique comment le comte de Lally, nouveau venu de France, n'a pas compris les usages du pays. Et c'est pour cela donc qu'il y a ces désagréments entre les deux. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire avec le projet de conquête, il n'y a pas seulement des actions militaires, il y a quelque chose qui change dans la vision de l'Inde. Il y a quelque chose qui change dans la perception des Indiens, qui sont vus maintenant comme des gens absolument pas fiable. Et comme vous voyez, qu'ils soient des musulmans, des morts, qu'ils soient des hindous comme les marathes, peu importe. Et il dit qu'à un moment donné, il a peut-être vu un peu plus de probité chez les uns que les autres, mais finalement, il a décidé qu'il n'y avait pas une grande différence. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette attitude n'est pas du tout limitée à Bussy. Il a, si vous me permettez cette phrase, il a cette capacité de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Donc, il dit, avec une certaine lucidité, il faut le dire, et avec un certain cynisme et une attitude machiavélique, comment il faut aborder l'Inde. Et vous voyez que, finalement, ce genre d'attitude va gagner pas mal d'autres personnes. Je vous donne un exemple assez mineur et pas très connu. Ça, c'est un personnage qui s'appelle Antonio José de Noronha, qui était un Portugais, qui était un de ses évêques in partibus infidelium. Il était censé être l'évêque de Bodrum, mais bien sûr, à Bodrum, il n'y avait pas d'évêque catholique. Donc, il a passé pas mal de temps en Inde, autour de Goa, mais puis à Madras et dans ces régions-là, à construire des fantaisies d'un empire portugais renaissant dans les années 1740, 50, 60. Et il a donc essayé de construire toute une série d'alliances. Il avait des rapports assez proches avec les vice-rois, mais aussi avec un certain nombre d'Anglais, avec un certain nombre de Français. C'est quelqu'un qui, finalement, va passer pas mal de temps en prison parce que ses projets vont jamais aboutir à quoi que ce soit. Il faut le dire qu'il a aussi attiré l'attention au XXe siècle des romanciers portugais. Voilà un roman portant sur lui, Apostasia de um Bispo. Et maintenant, même dans les journaux portugais, de temps à autre, on dit que c'était un des super portugaises. C'était un des grands Portugais oubliés par la postérité ingrate. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il nous a laissé ces textes-là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, en termes de conquérant ou autre chose, serait particulièrement remarqué, mais c'est quand même quelqu'un qui avait aussi des prétentions d'être une espèce de théoricien. Un théoricien avec une connaissance, par exemple, de ce qu'il appelle au système martial asiatico, le système martial asiatique, où il décrit comment on fait la guerre en Asie, mais pas seulement comment on fait la guerre en Asie, mais comment, en fait, on peut presque faire une espèce d'ethnologie de la guerre en Asie. C'est-à-dire que les Afghans font la guerre d'une certaine manière, les Moghols d'une autre manière, les Marathes d'une autre manière, et donc il faut connaître la particularité de chacun de ces peuples. Et en fait, il dit à un moment donné, et c'est assez clair dans son esprit, il dit, comment est-ce que vous imaginez que Bussy, avec si peu de soldats, ou Clive, avec aussi peu de soldats, ont réussi à faire les conquêtes qu'ils ont faites. Il écrit ça vers le milieu des années 1750. C'est parce qu'ils avaient cette connaissance de l'Inde. Donc, ils se vantent d'être, en quelque sorte, l'équivalent portugais de Bussy ou de Clive, sauf qu'il a l'avantage que les autres n'ont pas, c'est-à-dire que les Portugais ont fait ça depuis le XVIe siècle. Donc, il s'insère dans la tradition portugaise qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus solide, et aussi avec cette connaissance qu'il a du monde contemporain. Et d'ailleurs, il y a ce moment assez curieux en 1749 quand il va essayer de construire une forteresse à Madras, à côté de la forteresse anglaise, plus ou moins dans la région de Adyar, au sud de Madras, et il va donc finalement pas pu avancer parce que les Anglais n'ont pas envie d'avoir une forteresse portugaise là où ils imaginent que c'est vraiment le cœur de leurs opérations et de leurs activités. Donc il va passer un certain temps par la suite dans des prisons britanniques, rentrer en Europe, mais continuer à écrire ses textes. Donc vous voyez, il y a le récit du voyage, mais il y a aussi tous ces petits textes, dont un texte d'une importance capitale, qui est peut-être la première grande description européenne qu'on a de Hyder Ali. le roi de Mysore, qui avait saisi le pouvoir au Mysore dans les années 1760. Et Noronha était très proche de lui, selon ce qu'il nous dit. Et il décrit avec force de détail le fonctionnement de ce royaume. Vous voyez que Bussy s'est enrichi. Il est revenu en France avec beaucoup d'argent. On ne sait pas exactement combien. On sait qu'il a su aussi avancer socialement. Il est devenu marquis quand il était parti en Inde. Il était rien de ça. Il a survécu ses attaques. Il a survécu même le fait d'avoir un ennemi assez important que le comte de Lally. Mais par contre, il y a aussi une série d'exemples de ces gens. Finalement, à la fin du siècle, plus ou moins, on va commencer à appeler tous ces gens en utilisant un mot indien un peu distordu, qui est le mot nabob, qui vient donc du mot arabo-persan nabab, qui est le pluriel et honorifique de naib, de député. Le titre de nabab est donné en Inde moghole au XVIIIe siècle à des gouverneurs plus ou moins indépendants des régions. Donc, par exemple, celui qui devient le gouverneur de Bengale dans les années 1710, Murshid Qoli Khan, il est appelé parfois le Nazim, qui est le titre normal de gouverneur, et parfois le Nawab. Et donc, ces Européens, avec des prétentions de devenir à la fois des conquérants et presque, mais pas tout à fait, des princes en Inde, eux aussi vont commencer à s'appeler, ils seront aussi appelés dans la presse et ailleurs, les Nawabs. Et voilà un exemple assez frappant de ce type même de Nawab, un peu hors du commun à cause de ses origines et aussi à cause de la fin de sa vie, Antoine-Louis-Henri Polier. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui ça vaut la peine d'étudier parce que c'est aussi un peu le collectionneur type de la deuxième moitié du XVIIIe siècle qui va reprendre en quelque sorte le genre de projet de collection de Fraser, mais sous une autre forme et dans des conditions radicalement différentes. Alors ça, c'est donc Antoine-Louis-Henri Polier, né en 1741 et mort près d'Avignon en 1795. Il a été assassiné dans sa maison. Le Collège de France et France Culture vous présente Sanjay Subramaniam, l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e, 18e siècle. En fait, Polier est... Il appartient à une famille franco-suisse. C'est un Huguenot. La famille est partie de la France et en Suisse au XVIe siècle. Et ils sont restés là-bas. Ils sont devenus assez importants dans deux sortes d'activités. Il y avait une partie de sa famille qui est plutôt vouée à des activités militaires. Mais il y a aussi un certain nombre d'intellectuels dans sa famille. Par exemple, il a un oncle qui était professeur d'hébreu et spécialiste de l'exégèse biblique en Suisse, qui est donc Antoine Noé Polier. Mais Polier, donc, qui était assez connu à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, par la suite est tombé en oubli, mais dans les derniers 20 ou 30 années, on a donc en quelque sorte examiner sa carrière, mais aussi ses collections. Et voici donc une peinture assez connue de Polier, vous voyez, habillé en nawab, donc à l'indienne, entouré donc par ses petites femmes danseuses et ses musiciens, et dans ce que serait vraisemblablement sa maison dans la région de Lucknow. Donc soit à Lucknow, soit à Faizabad, où il a passé beaucoup de temps. Donc il est qui ? On peut bien sûr reconstruire sa carrière et ses sociabilités parce qu'il a aussi été l'objet d'un certain nombre de peintures. Ça, c'est une autre peinture assez célèbre où on le trouve entouré par un certain nombre un petit groupe d'autres Européens. Je vais avoir l'occasion de parler un peu de ces autres personnes aussi parmi lesquels il y a quelques personnages assez connus et célèbres. Mais il est aussi quelqu'un qui est souvent mentionné par d'autres Français connus de l'époque, ou des francophones assez connus de l'époque qui étaient en Inde. On connaît par exemple la carrière du colonel Jean-Baptiste Gentil, lui aussi collectionneur, lui aussi mercenaire et personnage important dans les activités militaires en Inde dans les années 1760 et 70, qui a écrit donc ses mémoires sur l'Hindoustan, mais qui a aussi été responsable pour un certain nombre de travaux de géographie et de cartographie. Il a essayé de faire des plans avec des buts militaires, bien sûr, mais aussi, vous voyez qu'il y a une espèce de mélange assez curieux entre ethnographie, ces dessins démontrant des catégories sociales en Inde, les personnages typiques. Et vous voyez, par exemple, ça, c'est le Subha de Bidar en Inde centrale, qui fait partie donc de cette collection cartographique de Gentil. Mais alors, revenons à Poliet. Le texte principal qu'on a sur Poliet, c'est ce texte assez curieux. Publié à peu près 15 ans après sa mort, en 1809, à Paris et à Rudolstadt, par sa cousine, Elisabeth Chanoinesse de Poliet. Et le texte s'appelle donc « Mythologie des Hindous », travaillé par Madame la Chanoinesse de Poliet sur les manuscrits authentiques apportés de l'Inde par feu Monsieur le Colonel de Poliet. Vous voyez qu'il y a le particule qui est apparu. Et dans lequel donc il y a toute une série de descriptions portant justement sur les dieux, les coutumes, les aspects différents de la mythologie des hindous. Mais dans l'introduction, il y a une série de réflexions biographiques portant sur Poliet. Et d'ailleurs, en partie, ce texte autobiographique. Le problème avec ce texte et globalement avec tout le livre, c'est que Madame la Chanoinesse a mis son doigt partout. Elle a donc souvent mal compris les propos de Poliet, et il avait une écriture assez difficile, il faut l'avouer, mais elle a réinterprété des choses, et on verra ça déjà tout de suite dans cette première page du récit autobiographique de Poliet. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, né à Lausanne, dans le pays de Vaud, d'une famille originaire française, mais établie et naturalisée en Suisse, j'ai eu dès mon enfance le désir de voir l'Asie et d'y rejoindre un oncle qui, au service anglais, était commandant de Calcutta. Ça, c'est faux. Il n'était pas à Calcutta, il était en Inde du Sud. Alors, quel était le mot que Madame la Chanoinesse a transformé en Calcutta? On ne sait pas, car on n'a pas le manuscrit. On connaît l'oncle. L'oncle s'appelle Paul-Philippe Poliet. Il était commandant d'un endroit qui s'appelle Cadelour. Il était donc au service des Anglais. Il était commandant de Fort Saint-David de Cadelour. Et il était plus ou moins, tout en étant à l'intérieur de la compagnie anglaise, il était un ennemi de Robert Clive. Alors, donc, quoique mon éducation était assez négligée, j'étais à 15 ans passablement avancé dans les mathématiques. J'avais de plus la tête meublée d'une prodigieuse lecture, faite sans direction, sans choix, sans suite, car je vidais rayon par rayon les cabinets de lecture établis à Lausanne et à Neuchâtel, où l'on m'avait mis en pension dans l'institut de professeur de Montmolin. Et je l'ai quitté l'année 1756 pour profiter d'une occasion qui se présentait pour aller en Angleterre, où je m'embarquais l'année 1757, année fatidique, pour l'Inde, et j'arrivais dans ce pays au mois de juin 1758, âgé de 17 ans. Ce fut dans la presque île en Dessa du Gange, théâtre de la guerre que se faisaient alors les deux nations européennes rivales, que je débarquais. Calcutta avait été assiégée par les Français et l'oncle que je comptais rejoindre fut tué peu avant mon arrivée en défendant cette place. Totalement faux, Calcutta n'a jamais été assiégée. En fait, Madras a été assiégée. Et elle confond les deux. C'est manifestement pas Poliet qui aurait pu faire cette confusion. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il est arrivé avec l'idée de travailler pour les Anglais et ne pas pour les Français, et aussi qu'il avait quelques passages possibles parce qu'il avait cette famille, et cette famille avait donc un passé dans le service de la compagnie. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est assez intéressant, c'est qu'il parle de ses formations en mathématiques. C'est important parce que par la suite, il va se présenter comme ingénieur et spécialiste des fortifications. Donc, en fait, ces études de mathématiques servent à quelque chose dans cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui ? Maintenant, on sait de plus en plus de lui. On n'est pas dépendant seulement de ce texte qui était pendant assez longtemps le texte principal. Le livre de Maya Jasanoff, traduit en français récemment, au marge de l'Empire, se base pour l'essentiel sur le texte de l'autobiographie et quelques lettres de Pollier. Mais elle se base également sur les lettres d'un autre personnage assez intéressant, plus ou moins contemporain, et ami de Pollier, qui, en fait, dans ces peintures qu'on voit avec le combat de coq et autre chose, et il est aussi présent, c'est Claude Martin, un Lyonnais qui a passé énormément de temps en Inde, plus ou moins au même moment. Et voilà la traduction française du livre de l'historienne anglaise Rosie Llewellyn-Jones portant sur lui. Mais ce qui est assez intéressant et important pour nous, en fait, c'est plutôt ce troisième livre. Et pourquoi ? Parce que ce sont les lettres de Pollier, mais les lettres en persan. Parce que Pollier avait tout un réseau de correspondants, surtout en Inde du Nord, à qui il écrivait en persan. Et ces lettres sont restées pendant très très longtemps à la Bibliothèque nationale, ici, mais finalement, on a eu cette publication partielle, parce que ça, c'est la première partie de ces lettres, la deuxième partie reste encore à éditer, le deuxième volume. Mais ce texte, donc, la collection des lettres, a été construit par Pollier lui-même, c'est-à-dire sous sa direction. On verra qu'il a un rapport très curieux avec ses lettres parce que Pollier, en fait, n'était pas capable d'écrire le persan. Donc, quand on dit « ses lettres en persan », ça veut dire des lettres écrites par quelqu'un sous ses ordres. Et c'est qui ce quelqu'un ? Il y avait différentes personnes qui s'appellent donc des munshis, des scribes, mais ils sont plus que des scribes, ce sont des secrétaires, plus ou moins. Et on sait que Pollier probablement dictait ses lettres dans la langue vernaculaire de l'Inde du Nord, le ourdou. Il parle à un moment donné dans son propre texte du fait qu'il connaissait l'ourdou zaban. Il dit zaban et ourdou, la langue ourdou. Et l'autre, et on connaît au moins le nom d'un de ses secrétaires, était un certain Kishan Sahai, un kayaste. Donc, quelqu'un qui appartenait à une caste de scribes en Inde du Nord. Et c'est lui, donc, qui a produit ces lettres qu'on a mis ensemble avec ce titre assez ronflant, mais assez amusant, de Ejaz et Arsalane. Le merveille de Arsalan. Arsalan, c'est le lion. Et alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle Ejaz et Arsalane? C'est parce que le grand écrivain, Amir Khosrow Dehlevi, avait un texte qui s'appelait Ejaz et Khosrowi. Donc, il se comparait en quelque sorte à Amir Khosrow. Il faut être un peu osé pour faire ça. Et Arsalani, pourquoi ? Parce qu'il avait à un moment donné le titre qu'il a reçu des Nawabs de Lucknow, de Arsalan Jung, le lion dans la bataille, dans la guerre, le lion de la guerre. Donc, Ejaz et Arsalani, c'est la merveille d'Arsalan Jung, la merveille de Pollier. Alors, dans ces textes-là, on voit tout un autre aspect de Pollier, qui n'est pas du tout le Pollier, ou pas exactement en tout cas, le Pollier qu'on voit dans ce récit autobiographique, ou la version, il faut dire, plutôt édulcorée de sa cousine. Parce que la cousine voyait en lui un personnage très romantique. Elle racontait sa vie, comment il a été aventurier en Inde, et puis comment, une fois passé la Révolution française, donc il est resté en Inde à peu près 33 ans, arrivé plus ou moins en 1757, et quand il a eu les nouvelles de la Révolution française, il a décidé de rentrer en Europe. Et puis, il est rentré en Suisse, et il a décidé que, il trouvait que la situation des Huguenots en France serait mieux, il est revenu même en France, il a acheté cette maison près d'Avignon, Mais 5 ans après, il a été tué par soit des brigands, soit des opposants politiques qui trouvaient qu'il avait des liens avec des groupes opposés à Paris. Il y avait même des rumeurs tout à fait faux qui se répandaient à l'époque qu'il était proche de Robespierre, qui n'était pas du tout le cas. Alors, mais en tout cas, elle présente son cousin comme quelqu'un d'assez romantique, tout en cachant toute une série d'aspects de sa vie qu'on voit dans ses lettres. Ces lettres sont essentiellement quoi? Il y a pas mal de lettres dirigées à des hommes politiques, des rois, des nababs, l'empereur moghol. Donc, il connaît tout ce monde-là. Mais puis, il y a aussi d'autres lettres qu'il écrit, par exemple, il a deux femmes musulmanes, qu'il appelle la Bari Bibi, le Choti Bibi, la grande et la petite épouse. Et il garde ces deux femmes dans la même maison, donc il y a beaucoup de conflits entre elles. Et souvent, il écrit des lettres à l'une, à l'autre, mais aussi à son majordome pour dire comment il faut traiter ces deux femmes. Il a aussi au moins un enfant qu'il va finalement ramener en Europe, tandis qu'il va abandonner les femmes. Et en fait, en rentrant en Europe, il se remarie avec une aristocrate d'origine néerlandaise de la famille Van Berchem. Mais quand il est en Inde, il a donc tous ses rapports avec ces dames. Pas seulement ça, il achète beaucoup de choses. Il fait faire des peintures. Il achète des peintures, il achète des albums. Mais il achète aussi autre chose. Il a un petit commerce d'éléphants. Mais il achète des jeunes filles qu'il vend. Donc, il fait aussi ce genre de commerce. Il est donc un homme qui a des intérêts un peu partout et qui se présente au moins dans ses lettres comme quelqu'un qui est totalement, qui a une insertion totale dans le monde des musulmans. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? C'est effectivement parce que dans ce récit, il nous raconte qu'il a commencé donc avec les Anglais. Il a été au service des Anglais, il a même fait des services assez importants. À un moment donné, il y avait une espèce de rébellion contre Clive, ce qu'on appelle le White Mutiny, dans les années 1760. Il se vante d'avoir été parmi les gens qui ont aidé Clive, mais malgré ça, il était convaincu que les Anglais n'étaient pas favorables à lui, et il dit « parce que je n'étais pas né anglais ». Donc, en tant que francophone, il a l'impression d'être toujours à l'écart du pouvoir. Il a l'impression qu'il ne peut pas monter les échelles à l'intérieur de la compagnie anglaise. Donc, il fait quoi? Il devient mercenaire. Il passe au service tout d'abord du Nawab d'Awad de Lucknow, en Inde du Nord. Et puis, il passe au service du Grand Moghol. Il va passer un certain temps avec le Grand Moghol. Et tout en faisant ça, il va constituer donc progressivement ses collections, ses fameux albums poliés qu'on trouve un peu éparpillés maintenant partout parce qu'il y a des albums, mais il y a aussi des pages. Et si vous regardez les sites web, par exemple, de Sotheby's ou de Christie's, de temps à autre, on va voir apparaître une page d'un album polié. Qui sont des albums avec des peintures assez diverses. Ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi, par exemple, ça, qui est parmi les albums qu'on trouve aujourd'hui dans le musée d'art islamique à Berlin. Mais je crois qu'on a aussi maintenant des pages à Paris, au musée Guimet. Et il y a effectivement ces pages dans les collections en France, en Angleterre, en Suisse, notamment dans la collection de la princesse Aga Khan, à Toronto, en Allemagne, et à Saint-Pétersbourg. Donc vous voyez qu'il était devenu un collectionneur assez important et je vais passer rapidement par les voies qui ont pris ces albums dans un instant. Voilà un article qui parle effectivement des fonds poliés à la Bibliothèque nationale. Donc, vous voyez que seulement à la Bibliothèque nationale de Paris, il y a toute une collection de ces manuscrits. Ça, c'est moins des manuscrits illustrés que des manuscrits, par exemple, portant sur l'histoire de l'Inde, portant sur une série de choses, et parmi lesquelles on a donc ces deux volumes de Ejaz et Arsalani. Et souvent, donc, vous voyez qu'il met son sceau. Album là, par exemple, il y a un de ces sceaux qui dit Imtiaz al-Dawla, Iftikhar al-Mulk, Colonel Poulir Bahadur Arsalani Jang. Donc, son titre qui est parfois aussi lié avec un roi en particulier. Et dans un autre, il s'appelle colonel Anthony Poulier Bahadur Asalani Jung, Fedvi et Badshah Ghazi Shah Alam. Il est donc le serviteur de l'empereur Ghazi Shah Alam. C'est le moment quand il était au service donc, de l'empereur moghol. Alors, parmi les autres activités de Poulier, il faut dire aussi qu'il y avait, il reste important dans l'histoire de l'orientalisme occidental parce que l'orientalisme dans le sens savant, parce qu'il est lié avec une chose en particulier qu'il a fait, hein, et ça c'est quelque chose qu'il raconte à un de ses correspondants, parce qu'il n'avait pas que des correspondants en Inde, il était aussi lié avec quelqu'un qui est assez important. Qui était à la tête de la société royale anglaise, qui est Sir Joseph Banks. Sir Joseph Banks, qui était un homme à réseau, lui aussi, lié dans la première partie de sa vie avec le capitaine Cook et ses expéditions dans le Pacifique. Mais puis, Banks, qui était devenu assez important par rapport à toute une série d'autres réseaux à la fois scientifiques et commerciaux. Il était aussi très intéressé par les questions de botanique, etc. On a encore, dans son cas, lui, des lettres éparpillées un peu partout dans le monde. Mais Banks, à un moment donné, devient le cible de Poulier. Poulier a envie de nourrir des relations proches avec lui et pour le séduire, en quelque sorte, il lui fait un cadeau assez important. Et qui reste donc souvent dans quand on parle de Poulier, un des aspects centraux. Il nous raconte que il s'est intéressé pas seulement dans la culture persane, bien sûr, il était très bien inséré dans ce milieu-là, mais aussi dans les choses des hindous. Il utilise le mot hindou. Les hindous instruits et en état de bien détailler ces prodigieux chaos de mythologie qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que il a commencé à construire un savoir autour de ça. Comment est-ce qu'il fait? Vous voyez ici, il utilise ce mot comment il possède à fond la langue vulgaire de l'Inde, nommée Moors par les Anglais, Urdu Zaban par les naturels du pays. Et donc dans cette langue, il a commencé un rapport avec un monsieur qui s'appelait Ramchand, il était un habitant de Sultanpur, près de Lahore. Il était sikh de religion et de la noble tribu des Khatris. Et donc, avec ce Ramchand, il a commencé tout d'abord à apprendre des choses sur la mythologie des hindous, et aussi en collaborant avec un certain nombre de brahmanes. Mais par la suite, il passe à quelque chose d'autre, c'est-à-dire, dans son réseau, il a aussi ce monsieur-là, que malgré les apparences, c'est un Portugais. Qui s'appelle donc Khairatmand Khan ou Akalmand Khan, qui était un Portugais qui s'appelait Pedro da Silva Leitão. Et ce Akalmand Khan ou Khairatmand Khan était employé à la cour de Jaipur par le roi de Jaipur. En tant qu'astronome, il n'était pas très compétent. On a su qu'il a fait beaucoup d'erreurs en traduisant des textes d'astronomie, mais il était bien inséré dans ce contexte-là. Et c'est en passant par lui que Poulier va réussir cette petite prouesse qui est donc de faire la, peut-être, on n'est pas tout à fait sûr, mais probablement la première version écrite des quatre Védas arrivés en Europe. Et voici donc la version de British Museum qui est passée par Poulier à Joseph Banks et par Joseph Banks, donc qui est rentré dans ce qui était autrefois la collection de British Library. Ça, c'est le catalogue de British Library. C'est donc sous forme d'un livre européen écrit en Devanagari, et vous voyez l'origine, colonel Poulier, et ça a été par la suite la base des éditions du 19e siècle. On a donc ces tomes, et Poulier nous raconte comment il a fait ça. Il a fait ça comme il dit, ça c'est la traduction en français de la lettre qu'il a écrite. La lettre qu'il a écrite à Joseph Banks, il dit que les gens avaient cru qu'il y avait des textes comme le Veda, mais personne n'était sûr. Et puis, il a décidé qu'il fallait passer par Jaipur parce que, selon lui, il y avait plus de chances là de trouver ces textes-là que dans des endroits où les rois étaient musulmans. Il est donc passé par son ami, vous voyez, mon ami Dom Pedro da Silva, qui était aussi à la fois astronome et médecin à Jaipur. Et c'est Pedro da Silva qui a donc cherché ces textes. Il n'a pas trouvé des manuscrits tout faits, mais il a quand même fait faire des manuscrits. Donc vous voyez que dans les activités de Poulier, il y a les deux choses. Il va acheter des manuscrits qui existent déjà, mais il va aussi commanditer des manuscrits qui n'existaient pas dans l'État. Ça, c'est encore une série de ces textes portant sur la mythologie hindoue, aujourd'hui à la bibliothèque de British Library. Mais dans ce cas des Védas, il a donc fait faire ces textes sur papier européen dans un contexte de production européenne qu'il a donc envoyé en Angleterre. On sait que Poulier, déjà de son vivant, a commencé à vendre ses manuscrits. Il était assez marchand. Donc, en rentrant, il a déjà commencé à faire ça. Et on connaît au moins un des gros acheteurs. Et ça, c'est un des plus grands collectionneurs de Londres de cette époque-là, de la fin du XVIIIe siècle. C'est William Beckford, qui était aussi romancier. Il est connu pour avoir écrit, entre autres, ce roman Vatek. Il avait une grosse fortune qui venait des Caraïbes. Il était impliqué à la fois dans la production du sucre et le commerce des esclaves. Et il utilisait cet argent donc pour acheter, pour construire toute une collection de chinoiseries, mais aussi énormément de choses sur l'Inde. Et d'ailleurs, c'est à la mort de Beckford que ces albums ont été dispersés. C'est pour ça que finalement, les albums qu'on trouve aujourd'hui en Suisse ou à Berlin, etc., en fait, ont passé pour la plupart par la collection de Beckford. Et Beckford les a achetés de celui qu'il appelait Mon Raja. Et Mon Raja était donc Poulier. Parce qu'il avait des rapports avec Poulier à l'époque, résident en France. Donc on a, avec ce genre de personnage, cette possibilité de voir quelqu'un qui était donc totalement à l'intérieur, mais aussi souvent à l'extérieur, parce que Poulier utilise un double langage. Quand il écrit en persan, ou quand il fait écrire des lettres en persan, il est capable d'écrire des choses des plus extraordinaires. Par exemple, une fois, en parlant à ces femmes, ces deux femmes indiennes, il leur dit, si quand vous voyagez entre deux villes, il faut surtout que personne ne vous voit. Hein, parce que les femmes doivent être cachées du regard du monde. Et il cite un hadith en disant, parce que les tresses d'une femme, ça égale une femme. Et donc, même, on ne doit même pas pouvoir voir vos cheveux. Donc, on dirait, en lisant ce genre de lettres, que voilà un homme qui est complètement à l'intérieur du monde indo-persan, mais quand il écrit à des gens en Europe ou à des autres Européens, quand il écrit à Claude Martin, finalement, qui a été le pauvre qui a été chargé de ses femmes Poulier est rentré en Europe, il lui a donné un peu d'argent et c'était à lui de s'occuper de ces deux pauvres dames. Là, il utilise un autre langage. Donc, vous voyez un peu, on peut dire qu'en quelque sorte, il met en œuvre les idées de Bussy, lui aussi. C'est-à-dire, il faut se conformer aux usages du pays, mais aussi, il faut savoir quand il est mieux de rentrer en Europe et prendre ses distances par rapport au pays. C'était les cours du Collège de France où vous venez d'écouter Sanjay Subramaniam, l'Europe et l'Inde, collection, représentation, projection, 16e, 18e siècle, le 6 juin 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours de Sanjay Subramaniam. Il a publié « L'éléphant, le canon et le pinceau, histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie, 1500-1750 » chez Alma Éditeur en 2016. Réalisation Ghislaine David, présentation Meryl Moneghetti.